L'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons vu que dans les débuts du XXe siècle, des rapports nouveaux avec les États-Unis prennent forme. Un nouveau type d'industrialisation basé sur nos ressources naturelles va être largement financé par les capitaux américains. Mais la pénétration de l'influence américaine ne s'arrête pas là. Le commerce extérieur canadien, l'industrie nouvelle au Canada, le syndicalisme canadien, vibre au rythme des États-Unis. Même la Grande Guerre de 1914-18, loin de ralentir ce processus d'intégration progressive à l'économie américaine, va le favoriser. Aujourd'hui, dans la 19e émission de notre série, et la première de quatre que nous allons consacrer à la période de l'entre-deux-guerres, nous donnerons un premier croquis de la socio-économie canadienne dans l'après de la Grande Guerre et dans les années 1920. La Première Guerre mondiale va déclencher une bouffée de croissance économique au Canada. La demande de nourriture et de munitions outre-mer va relancer une économie qui s'essoufflait nettement en 1913-14. Mais en parallèle avec ce second boom du blé dans l'Ouest qui va faire augmenter le nombre d'acres de blé en culture de 80% entre 1913 et 1919, en parallèle aussi avec la croissance des usines de munitions au Québec et en Ontario, obtenant de riches contrats pour des millions de dollars des forces alliées, il y aura aussi, durant cette période, enracinement et consolidation des industries nouvelles, papier journal, fabrication à partir de métaux non ferreux. Mais la seconde décennie du XXe siècle, la décennie de la guerre, c'est aussi une période de transformation sociale importante au Canada. Cette économie dont on disait qu'elle fonctionnait à moitié de sa capacité en 1913, à mesure que la guerre s'appesantit, elle voit disparaître le chômage et voit apparaître une rareté de main-d'œuvre. Cette rareté de main-d'œuvre va attirer sur le marché du travail un fort contingent de femmes qu'on convaincra d'entrer sur le marché du travail au nom du patriotisme et de bonnes gages. Il y en aura 30 000 à un certain moment, qui travailleront dans les usines de munitions. Mais aussi des dizaines de milliers de femmes vont occuper tout un éventail de postes plus ou moins monopolisés par les hommes dans l'avant-guerre. Dans ce contexte de rareté de main-d'œuvre, le nombre de syndiqués va doubler et les femmes, à la faveur des impératifs du moment, vont pouvoir obtenir le droit de vote. Les 1910-1920, c'est aussi une période de transformation du genre de vie au Canada. Un genre de vie qui commence à être transformé par l'automobile. En 1907, le nombre de voitures automobiles ne dépassait pas 2000 au Canada. En 1913, il y en avait déjà plus d'une cinquantaine de mille, et en 1918, à la fin de la guerre, 276 000. Enfin, la période de la guerre va amener le gouvernement canadien à mettre en place un appareil d'intervention dans l'économie, un appareil plus explicite, plus moderne, diront certains. C'est, on l'a dit, l'introduction des impôts sur les profits des entreprises et sur le revenu des particuliers au fédéral, mais aussi la mise en place de tout un appareil réglementaire sur le commerce et de mesures coercitives comme la conscription et la Anti-Loafing Act de 1918, statuant que tous les hommes entre 16 et 60 ans doivent faire travail utile. Le gouvernement va aussi se trouver devant la nécessité de financer un effort de guerre qui, pour léger qu'il puisse paraître avec le recul du temps et par rapport à l'effort qu'il faut fournir dans les années 1940 demeure fort lourd pour l'époque. Les impôts et les emprunts ne suffisent pas. Alors le gouvernement va financer l'effort de guerre en bonne partie en imprimant de la monnaie. La masse monétaire augmente à un taux de 9,5% là, entre 1914 et 1918. C'est d'ailleurs cette façon de financer l'effort de guerre qui va entraîner la grande inflation de la période de guerre et d'après-guerre. L'indice des prix double entre 1913 et 1918 et augmente d'un peu moins du quart entre 1918 et 1920. C'est donc une socio-économie canadienne en train de se transformer, mais pas tellement robuste, que l'on trouve à la sortie de la Première Guerre mondiale, comme nous l'explique André Lévesque, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. L'économie canadienne demeure une économie très vulnérable. Vulnérable parce qu'elle dépend de certains secteurs. Par exemple, le blé a une importance énorme, un tiers des exportations. Ensuite de ça, en général, elle dépend des ressources naturelles qui sont exploitées à cette période-là. Le secteur manufacturier, c'est vrai, s'est développé pendant la Première Guerre mondiale, mais on sait fort bien que des choses comme les munitions, ça ne se poursuivra pas après la guerre. Donc, si on dépend de quelques exportations, s'il se passe quelque chose sur les cours mondiaux, si d'autres pays, pour une raison ou pour une autre, cessent d'importer ou haussent leurs tarifs ou quoi que ce soit, on va s'en sentir tout de suite. S'il y a des désastres naturels aussi, puis il y en aura aussi, des invasions de sauterelles ou quoi que ce soit, on va s'en apercevoir parce qu'on dépend de quelques produits. Puis en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on va avoir tous ces soldats-là qui vont revenir sur le marché du travail. Il va y avoir aussi les 30 000 personnes environ qui travaillaient dans les usines de munitions qui vont être déplacées. Il va y avoir crise sur le marché du travail. On va s'apercevoir, tout à coup, en 1920, qu'un travailleur sur quatre est en chômage au Québec. On a des statistiques très, très imprécises pendant cette période-là. Je dois dire qu'un travailleur sur quatre, c'est un travailleur syndiqué sur quatre. Or, on a à peu près 8 % de la main-d'œuvre qui est syndiquée. Et les syndiqués ne sont pas les premiers à être en chômage. André Lévesque, est-ce que on sait combien de ces vétérans vont devoir être réabsorbés dans la main-d'œuvre canadienne? On dit qu'il y en est revenu à peu près un demi-million. Alors, c'est énorme, c'est une population d'à peu près 8 millions de personnes. Donc, il y aura mécontentement chez les vétérans. Puis, ils reviennent dans un pays aussi décimé par la grippe espagnole, il ne faut pas oublier, qui va tuer presque autant de personnes que la guerre. Ça peut aller jusqu'à 50 000 morts par la grippe espagnole, 60 000 au front. Et ils sont très déçus aussi, ils sont scandalisés par les profits de guerre qu'on a réalisés pendant leur absence. Ils reviennent ici aussi pour s'apercevoir qu'il y a des problèmes de logement. Il y a toutes sortes de problèmes. Et il faut qu'eux s'adaptent à tout ça. On va leur donner des terres qui très souvent ne sont pas très fertiles dans l'Ouest. Alors il y a le mécontentement du côté des vétérans. On a l'impression que c'est un bouillon de crise, que la population ne peut pas faire autrement que de réagir violemment à cette situation. Et c'est précisément ce qui va arriver parmi les travailleurs en 1919. L'année 1919 est une année record pour le nombre de grèves. Et certaines de ces grèves sont très importantes, comme la grève générale de Winnipeg. Cette vulnérabilité de l'économie canadienne, c'est dans l'Ouest qu'on va la sentir le plus dans l'après-guerre. En fait, ce sera une constante pour toute la période de l'entre-deux-guerres que de voir les prairies réagir plus fortement au ralentissement de l'activité économique, accusant plus sévèrement l'impact des récessions que le reste du pays. Or, on le sait, commence avec la fin de la seconde décennie du XXe siècle une longue période de ralentissement dans le niveau d'activité économique dans l'économie atlantique, dans le commerce mondial. Jusqu'en 1937, ce sera une suite de longues récessions entrecoupées de reprises plus courtes. L'Ouest, reconcentré sur l'économie du blé à l'occasion de la guerre, frustré aussi dans ses espoirs de réforme tout au long de la guerre, ne va pas seulement vivre des flambées de révolte comme la grève générale de Winnipeg de 1919, dont nous parlerons dans un moment, ce sera tout l'Ouest qui accusera le choc de l'après-guerre, comme nous le rappelle John Thompson, professeur d'histoire à l'Université McGill et spécialisé dans l'histoire de l'Ouest. Et le choc d'après-guerre dans l'Ouest était partout dans l'Ouest. On oublie souvent que C'était pas seulement les travailleurs de Winnipeg qui avaient des greffes après la guerre. C'était partout dans la société, causé par la structure économique et des problèmes de la guerre. Parce que même si le prix du blé a resté haut, en haut de 2 $, juste après la guerre, la production a baissé à cause de la sécheresse et des conditions adverses. Il y avait tous les problèmes de l'avant-guerre, comme le manque de construction, d'activité économique dans les villes de l'Ouest. Et la classe ouvrière de l'Ouest était plus ou moins mobilisée après la guerre. Pas seulement à Winnipeg, mais à Calgary. Il y avait une grève presse générale à Calgary en 1918. Et il ne faut pas oublier le célèbre grand syndicat, le One Big Union, qui s'est organisé juste avant la grève de Winnipeg. La grève générale de Winnipeg, c'est probablement le moment clé de toute cette période de fermentation dans l'Ouest canadien de l'après-guerre. Tout au moins le moment qui dramatise toute cette situation. Mais cette grève, qui démarre en mai 1919, s'inscrit dans un contexte assez exceptionnel au Canada. En 1919, les effectifs syndicaux augmentent de 50% au Canada et dépassent les 375 000. Mais c'est aussi une année exceptionnelle au plan des grèves. Pas moins de 150 000 travailleurs vont être impliqués dans des grèves ou lock-out en 1919. On enregistre près de 3,5 millions d'hommes-jours de travail perdus. C'est aussi l'année où se crée le One Big Union. La conférence ouvrière de l'Ouest canadien se radicalise, veut regrouper tous les travailleurs et faire la rupture avec les associations internationales. Mais ce n'est pas le One Big Union qui va déclencher la grève générale de Winnipeg en mai 1919. En fait, la grève générale de mai-juin 1919 va bien incarner le malaise qui habite la socio-économie des prairies et la différence entre la modération, la timidité, diraient certains, des syndicats du Canada central par comparaison avec le radicalisme des gens de l'Ouest. Mais le mécanisme social qui va faire que 48 heures après le début de la grève des métallurgistes, le 2 mai, il y a 35 000 grévistes sur une population de 200 000 à Winnipeg, cela demeure un peu un mystère. John Thompson. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre dans toute l'histoire de confrontation des classes au Canada, parce que c'est pas comme les mineurs de charbon de l'Île-Cap-Breton, qui sont tous de même origine et qui a eu les mêmes problèmes. C'est une question très, très compliquée. C'est, je pense, la tradition de protestation de l'Ouest contre, dans ce cas, le Congrès de métiers et de travaux du Canada. Entre le mouvement syndical lui-même, il y avait les tensions Est et Ouest. C'est l'inflation, bien sûr. Et pendant nos jours, on comprend bien l'inflation. Mais pour les gens de 1919, c'était quelque chose d'extraordinaire. L'hausse des prix... Le doublement des prix en 2 années, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'était aussi l'esprit de 1919. Et je ne vais pas dire que tous les grévistes, c'était les bolcheviques. Il y en avait parmi les grévistes, bien sûr. Mais c'était la notion que la classe ouvrière peut prendre la société en direction elle-même. Et ça existe à Winnipeg comme partout dans le monde. Ce courant d'idées qui se répand dans le monde dans l'après de la révolution russe de 1917, il est difficile d'évaluer son impact sur la grève générale de Winnipeg. Alors que pour certains, ce qui motive les grévistes, ce sont des revendications économiques, l'inflation a rongé le niveau du salaire réel des travailleurs et les syndicats veulent simplement rétablir le pouvoir d'achat des travailleurs, pour d'autres, il s'agit d'une révolution bolchévique en train de s'organiser sur les rives de la rivière Rouge. C'est une époque où l'on parle beaucoup de péril rouge et où, évidemment, il est facile et stratégiquement utile pour le gouvernement qui veut réprimer la grève d'utiliser certains discours tendancieux pour entretenir la crainte. C'est la moitié de la ville de Winnipeg qui littéralement est en grève. On craint que le mouvement ne se répande, mais comme nous l'explique André Lévesque, la trame sociale particulière de Winnipeg en fait un lieu propice et assez particulier pour cette explosion, une explosion qui ne fera pas tache d'huile. Si on regarde la population de Winnipeg, vous avez un très fort contingent d'immigrants. ou de gens qui sont arrivés au pays de fraîche date pendant la politique d'immigration sous Laurier et qui s'est poursuivie pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, une bonne partie de ces immigrants-là sont devenus suspects. Ils sont devenus suspects parce que tout à coup, on s'est aperçu qu'ils venaient de pays qui étaient maintenant ennemis. Et on sait que pendant la guerre, ces gens-là ont perdu leur droit de vote, par exemple, qui est une façon concrète de montrer qu'ils sont suspects. Alors, on a une population qui est divisée au point de vue ethnique. Et c'est très évident dans la ville de Winnipeg, à la Rail des chemins de fer, qui divise la ville de façon géographique aussi, entre les travailleurs et les autres. Donc, vous avez une ville qui, au point de vue social, pas seulement au point de vue ethnique, est aussi polarisée. Les immigrants ne viennent pas uniquement de l'Europe de l'Est. Vous avez un fort contingent d'immigrants des îles britanniques qui sont très politisés. Avant d'arriver ici, le mouvement syndical leur doit beaucoup. Et ce seront les chefs de la grève, ce seront des Britanniques plutôt que des gens de l'Europe de l'Est. Alors, il y a les conditions des travailleurs. Vous aviez l'inflation, dont on a déjà parlé, et vous avez les salaires qui ont monté, mais jamais aussi vite que les prix. Donc, les conditions sont pénibles. Dans le milieu du travail aussi, parce qu'on est en période de mécanisation, d'accélération de la production, de ce qu'on appelle aux États-Unis le scientific management. Bon, tout ça s'est appliqué pas seulement à Winnipeg, partout dans l'industrie. Or, ça, c'est un facteur. La confrontation à Winnipeg, comme à la Chine en 1843, 76 ans plus tôt, va laisser des morts sur le terrain. Et l'historiographie a passé bien du temps depuis cette époque à analyser la grève générale de Winnipeg pour déterminer quelle interprétation semble la plus raisonnable des événements de 1919 à Winnipeg. Selon Jacques Rouillard, un spécialiste d'histoire des travailleurs qui enseigne à l'Université de Montréal, on a tort d'y voir un mouvement révolutionnaire. Je pense que le gouvernement s'est mépris sur l'attitude des grévistes. Bien sûr, il y avait certains syndiqués, certains leaders syndicaux qui souhaitaient une révolution, un changement des structures politiques canadiennes. Mais pour la masse des travailleurs, je pense que leurs revendications se situaient au niveau plutôt économique. Le conflit a d'ailleurs débuté une grève dans la métallurgie, les ouvriers de la construction. Et ce qu'il y avait de neuf dans la grève de Winnipeg, c'est que tous les travailleurs se sont unis pour appuyer les revendications des ouvriers de la métallurgie. Alors le gouvernement a interprété ce geste-là comme un conflit de type politique. Mais pour la masse des travailleurs, c'est simplement un nouveau moyen de pression qui se donnait à l'égard du patronat, c'est de s'unir tous ensemble pour obtenir, dans le cas de la métallurgie, là, des augmentations de salaire. Le gouvernement n'acceptait pas ça, déjà. Ce mouvement de solidarité, M. Rouillard, le gouvernement fédéral y a réagi fermement, y a réagi, dirait même certains, avec un peu de violence. Oui, oui. Alors, il a réagi violemment, il a fait intervenir la milice, l'armée à Winnipeg pour disperser les grévistes, pour mettre fin à la grève, pour obliger les travailleurs à retourner au travail. Les travailleurs là, du gouvernement fédéral les ont forcés à retourner au travail. Et à cette occasion-là, lors d'une manifestation, la dernière manifestation des grévistes de Winnipeg, eh bien, il y a un gréviste qui est mort et il y en a d'autres qui sont blessés à ce moment-là. Alors, il y a eu vraiment une réaction très vigoureuse du gouvernement. Il faut se placer aussi dans le contexte de l'époque. C'est le moment de la révolution bolchevique et le gouvernement était très sensible à toute revendication de type populaire et assimilait facilement les revendications des grévistes de Winnipeg à une révolution bolchevique. Il faut situer ça dans ce contexte. Ce contexte difficile, M. Rouillard, est un contexte qui va malgré tout être un contexte de répression. Ouais. Le mouvement ouvrier va sortir de l'après-1919 dans quel état? Il y a eu forte croissance du taux de syndicalisation au Canada et au Québec pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, évidemment, la main-d'œuvre était rare. Alors, le pouvoir de négociation des travailleurs était bon. Alors, ils en ont profité pour se syndiquer et pour revendiquer des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail. Alors, les salaires ont augmenté de façon substantielle durant la Première Guerre mondiale et le taux de syndicalisation a augmenté jusqu'en 1919. Mais là, après la guerre, là, la situation se renverse. La conjoncture économique est défavorable, il y a une crise importante en 1921. Beaucoup de travailleurs sont mis à pied, les salaires diminuent, baissent. Et le taux de syndicalisation aussi baisse, diminue beaucoup. De sorte que le taux maximum de syndicalisation a été atteint en 1920-21 et il diminue par la suite. Et on atteindra un taux similaire en 1921 uniquement dans les années 30. Alors, c'est beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, on atteindra un taux similaire. Donc, à partir de 1929, il y a diminution du taux de syndicalisation. Les syndicats de métier, les syndicats internationaux réussissent extrêmement difficilement à regrouper les ouvriers de la grande entreprise, l'entreprise de masse, donc les usines employant en masse les travailleurs, comme le textile, la métallurgie, en Ontario, l'automobile, le caoutchouc, le vêtement et la chaussure aussi au Québec. Les gouvernements ont pu se laisser entraîner à la réaction panique dans l'après-guerre parce que le monde est en train de changer. C'est toute une nouvelle vision du monde qu'il faut développer. Après 1920, on libère les prix du blé et c'est la dégringolade. Les exportations avaient commencé de tomber avant 1920, mais après 1920, c'est la dégringolade des prix. De 1920 à 1923, le prix du blé tombe de 60%. Ce qui plus est, en 1921 et 22, on va augmenter les barrières douanières aux États-Unis et l'industrie de l'élevage en Alberta sera ralentie. Le nouveau gouvernement King, élu en 1921, parle toujours de situation temporaire, de retour à la normale, et veut désengager le gouvernement de ce train d'activités nouvelles dans lesquelles il a été entraîné par la Grande Guerre. La philosophie qui inspire Mackenzie King, c'est le même optimisme de la politique nationale qui a inspiré John McDonald d'abord, puis Wilfrid Laurier ensuite, une philosophie qui prône la libre entreprise, la continuation de la construction des chemins de fer, et ce même si on sait que pendant la Première Guerre mondiale, il a fallu sauver de la faillite les deux derniers chemins de fer transcontinentaux et les nationaliser pour créer le Canadien national. C'est la fin de l'ère de la politique nationale. C'est le ralentissement du rythme de l'activité économique parce que justement on a trop investi dans les infrastructures. Mais comme nous l'explique Blair Nibbe, un historien de l'Université Carleton et un biographe de Mackenzie King, même si la réalité a changé, les perceptions ne s'ajustent qu'avec de longs délais. Les hommes d'affaires et les hommes de politique ne savaient pas ça. Ils ont tous pensé d'un retour au normal. Et pour le Parti libéral, par exemple, ils ont pensé que c'était un problème politique de réunir le Laurier Group et l'Anti-Laurier et tout ça, réunir et rétablir la stabilité politique pour retourner au beau temps de Laurier. Mais ils avaient tort, ainsi il y avait la crise d'après la Grande Guerre, mais la politique de le gouvernement fédéral sous King, après, ils arrivaient au pas, c'était pour stabiliser les choses. Ils avaient une dette énorme, par leur standard, une dette énorme à cause des chemins de fer et à cause des guerres. Ainsi, c'était pour diminuer la dette, réduire les dépenses du gouvernement et laisser libre entreprise. Les entrepreneurs enlèvent le fardeau des taxes et laissent les entrepreneurs rétablir le développement économique. Et pourtant, M. Nibbe, on a l'impression qu'on a surinvesti. On a trop de chemins de fer. On a une capacité de production qui est énorme. Les investissements semble condamné à ne pas être profitable. On a vécu des périodes d'inflation extraordinaire dans l'après-guerre. Pourquoi est-ce qu'on pense que tout cela est un peu temporaire et qu'on peut revenir à la normale? Mais la réponse probablement reste dans la psychologie des gens. C'est rare qu'on trouve les gens très originaux. Ainsi, ils ont le concept de la politique nationale. C'était une grande réussite d'après eux. Et c'est McDonald, Laurier et maintenant King à la suite. Ainsi, ils ont pris pour acquis qu'on va continuer les chemins de fer parce que ça va ouvrir plus de terrain et plus d'investissements. Ainsi, c'est les lignes régionales maintenant. mais aussi avec le terrorisme stabilisé, mais ça reste en place. Mais encore la colonisation, l'immigration, la colonisation de l'Ouest, on a vu les grands terrains vides, ils ont pensé doubler la population encore. Ils avaient beaucoup d'optimisme. Ainsi, c'était seulement vers 1925-26, il y a quelques-uns qui ont commencé à faire une critique et dit « on ne peut pas continuer, l'ère de la politique nationale est presque finie, arrêtée ». Ainsi, il me semble que le ralentissement dont vous avez parlé, c'était le ralentissement parce que le grand dynamisme de la politique nationale est arrivé à la fin. Ainsi, à ce temps-là, il n'y avait rien pour remplacer de le parti au pouvoir ou les partis d'opposition. Les États-Unis, qui vivent certains problèmes un peu similaires dans l'après-Première Guerre mondiale, définissent en réaction à ce ralentissement de l'activité économique une politique tarifaire extrêmement protectionniste. Est-ce que cette politique tarifaire américaine a pu retarder la reprise, si on peut dire, de l'économie canadienne dans le début des années 20? Je crois pas, mais c'est toujours difficile à définir le rôle du tarif, si ça a changé ou non, ou si les autres forces économiques sont plus puissantes. Mais pour le Canada, à ce temps-là, encore un aspect de la politique de l'économie canadienne, c'était l'exportation de blé et des produits nationaux en Europe. Ainsi, ce n'était pas largement affecté par ça. Mais aussi, le développement dans les années 20 de l'investissement des États-Unis dans le forest, le produit forestier et le taxe d'impôts, le tarif sur ça n'était pas très élevé, en tout cas parce que c'était dans les intérêts des États-Unis, l'importation. Ainsi, là encore, il n'y avait pas grand-chose. Et pour notre industrie d'automobile, c'était un branch plant, comme on dit, c'était intégré au Canada. C'est encore, c'était pas très affecté. Ainsi, je crois, non. Pendant les années 20, je dirais que ce n'était pas un facteur significant. On a une illusion de prospérité par moment. Est-ce que c'est un peu attribuable au fait qu'on a beaucoup d'investissements étrangers? Oui, l'investissement étranger était significant. Au commencement de la décennie 20, l'investissement, c'était à peu près 2 milliards de dollars étrangers, partagé presque également entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. À la fin de les années 20, c'était 4 milliards. Ça, c'était une augmentation énorme. Et la plupart de cette augmentation est venue des États-Unis pour les investissements dans les mines, dans l'industrie forestière ou dans le manufacturier. Ainsi, c'est une expansion énorme de ce point de vue-là. Expansion énorme, M. Nilbe, qui va peut-être lancer l'économie canadienne pour un moment, mais qui ne réussira pas à arrêter ce ralentissement de l'économie canadienne qu'on a senti depuis le début des années 20. Pourquoi? Mais c'est une transition de l'économie. Ainsi, il y a des aspects de l'économie, comme le développement des chemins de fer, le développement de l'Ouest, la colonisation, tout ça, qui est arrivé à une période de stabilité. Ainsi, aucun grand investissement, c'était la stabilité. L'économie était là, en place. Ainsi, pas de dynamisme là. Ainsi, le développement basé sur les investissements américains, c'était le développement du Nord et le manufacturier. Ainsi, les secteurs de notre économie, le maritime, l'Ouest, qui n'étaient pas affectés par ça. Ainsi, c'était là qu'on a le ralentissement. Mais dans quelques secteurs, au Nord d'Ontario, au Nord du Québec, par exemple, il y avait c'était une période d'expansion. On peut dire que l'année 20 ainsi marque en partie l'augmentation du régionalisme au Canada. L'économie canadienne était plus régionalisée à cause de ces développements dans les années 20. Donc les régions vont commencer à vivre des vies plus séparées qu'au cours des dernières 50 années, au moment où on avait eu des efforts d'intégration économique. Oui, exactement, parce que les efforts intégrants étaient liés avec la politique nationale. Ainsi, une fois que la politique nationale est arrivée à une sorte de stabilité, les régions ont développé dans leur direction propre. La fin des années 20, M. Nilbe, c'est une période où développé dans leur direction propre. La fin des années 20, M. Nidbé, c'est une période où on a encore plus l'illusion de prospérité. 25, 26, 27 sont des années où on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a encore cet optimisme excessif dont vous parliez au début des années 20. Mais au Canada, je ne suis pas certain qu'il y avait autant d'optimisme. Ça, c'était plus typique des États-Unis, où il y a de grandes spéculations. Mais au Canada, par exemple, dans le secteur agricole, il y a le commencement de la dépression, de la crise, c'était 28-29, une tombée de prix de blé et le carry-over, c'est-à-dire le surplus qui n'était pas possible de vendre en 29, et la tombée des wheat pools à cause de leur difficulté de vendre le blé. Ainsi, déjà dans cet aspect de notre économie, et ça, ça a aussi affecté les chemins de fer, ainsi, une perte d'argent pour les chemins de fer en 29. Ainsi, il y a des secteurs dans l'économie canadienne qui n'étaient pas aussi encourageants, même dans 28-29. Ainsi, là, dans les autres secteurs, il y avait l'optimisme. Mais on avait moins optimisme au Canada, je pense. On était moins pris par cette grande vague d'expansion que les États-Unis. Ainsi que le suggérait Blair Nibbe, les années 20, ce sera une période d'optimisme peut-être excessif, mais aussi une période de fragmentation de la socio-économie canadienne. On verra les différentes régions accuser des réactions différentes aux événements nationaux et internationaux. En fait, chaque section du pays va développer une identité propre, développer une identification aussi fort limitée au tout canadien. Parce que chaque partie du pays commence à comprendre que ces problèmes sont régionaux et qu'il faut donc se donner des institutions régionales adaptées à ses besoins. Dans les prairies, on vivra cette transition de façon particulièrement intéressante. Mais, comme nous l'explique John Thompson de l'Université McGill, les années 20, ce ne sera pas la belle époque. L'idée de la belle époque est complètement fausse et ça vient de l'idée de Roaring Twenties des États, je pense, et de Bathtub Gin et de la guerre des gangsters et de Prohibition. Et ça reste encore un peu dans l'idée même des historiens. Mais les années 20 ont commencé comme dépression entre 1919 et 1923. L'agriculture en particulier était complètement en dépression. Les prix étaient très bas. Il y avait du chômage partout dans l'Ouest. Il y avait toujours dans l'Ouest chômage pendant l'hiver et ça durait pendant l'année. C'est juste 1925, 1926, 1927 qui sont vraiment des bonnes années pour l'Ouest pendant les années 20, avec les bons récoltes et les bons prix, parce qu'il faut avoir les deux ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment parler du commencement du déclin de l'économie du blé au début des années 20? Est-ce qu'on peut considérer, M. Thompson, cet épisode de 25, 26, 27 comme un épisode temporaire qui interrompt une tendance à la baisse qui déjà s'amorçait à partir des années 20? Oui, oui, c'est bien clair que les forces qui a causé les problèmes pour l'économie mondiale, parce que c'est une économie mondiale, l'économie des grains, sont en évidence beaucoup, beaucoup avant les années 30. La question de surplus de blé. Parce qu'il faut se rappeler, même si pendant les années 30, il y avait la sécheresse dans l'Ouest, c'est pas seulement la sécheresse, c'est aussi le bas des prix, parce que le prix de blé a tombé de plus d'un dollar pendant les années 20 jusqu'à 38 sous en 1932. Et c'était une question de manque de demande effective qui arrive pendant les années 20 et après. Est-ce que On va déjà sentir dans les années 20 dans l'Ouest, M. Thompson, que la base économique est en train de s'effriter. C'est facile maintenant à dire que oui, il y avait des prévisions, mais on voit dans le mouvement des cultivateurs de l'Ouest pendant les années 20, l'essai de créer les institutions pour le marketing du blé, comme les wheat pools, pour améliorer le problème du manque de demande effective. Et je pense qu'il y avait parmi les cultivateurs et parmi pas parmi les politiciens, mais parmi les économistes, une vision des problèmes causés par la surproduction dans l'Argentine, dans l'Australie. Et faut aussi se rappeler que toute l'Europe a produit du blé encore après les dislocations causées par la guerre. Donc, on a un peu un Ouest canadien vivant au rythme du marché mondial, étant heurté par des surplus de production dans ce marché mondial, et qui va chercher à se donner des institutions particulières, le wheat pool, pour se protéger contre le marché. C'est ça. Qu'est-ce que sont exactement que ces wheat pools, M. Thompson? C'est un regroupement des producteurs du blé qui vont mettre leur blé dans un pool, c'est-à-dire une sorte d'ensemble du blé pour le vendre ensemble, pour protéger contre les problèmes que le cultivateur lui-même rencontre s'il essaie avance en blé sans une bonne connaissance des prix et des activités du marché. Cette mise en commun des risques, en un sens, est-ce qu'elle va réussir à protéger les fermiers de l'Ouest contre les mouvements de prix internationaux? Non. Ça a bien commencé et c'était très populaire. Le cultivateur de moyen taille, les grands cultivateurs n'ont pas utilisé le wheat pool et le petit cultivateur a dû vendre son blé immédiatement après la récolte. Il n'était pas capable d'utiliser le pool. Mais pour le cultivateur de moyen taille, entre 1925 et 1929, le pool a marché. Mais après ça, le pool n'était pas assez grand pour vraiment garder le cultivateur contre les pressions du marché. Et franchement, pendant les années 30, les poules sont mises au rencard, sont en faillite. Et seulement le gouvernement fédéral les a sauvées. Il ne faut pas confondre, cependant, les prairies et la Colombie-Britannique. Ces deux segments de la socio-économie de l'Ouest, qui s'étaient rapprochés au début du XXe siècle, vont être désarticulés dans les années 1920. Alors que juste avant la guerre de 1914-18, les prairies représentaient, par exemple, 70% du marché pour les produits forestiers de la Colombie-Britannique, en 1928, ce n'était même plus le tiers. Entre-temps, il y a eu l'ouverture du canal de Panama, qui va permettre à la Colombie-Britannique de venir concurrencer l'Est des États-Unis et du Canada sur ses propres marchés. Il y a aussi, durant cette période, à partir de 1923 surtout, l'augmentation importante du secteur minier, à partir du moment où on a découvert des moyens de traiter les minerais de métaux non ferreux de la région du Kootenay. Cette pénétration de la Colombie-Britannique dans le marché atlantique va soumettre les provinces maritimes canadiennes à une concurrence nouvelle, tant sur les marchés américains que sur les marchés européens. Et puis, il faut bien le dire, la standardisation de la tarification des chemins de fer nationaux et la disparition des tarifications préférentielles qui avait favorisé l'Est du pays dans son commerce avec le Canada central et lui avait permis de manipuler les tarifications à des fins de promotion régionale, cela veut aussi dire le coup de grâce pour l'industrie des maritimes. Entre 1919 et 1921, l'emploi manufacturier tombe de 42% dans les maritimes. Pour certains, comme Carmen Miller, un spécialiste de l'histoire des provinces maritimes, professeur d'histoire à l'Université McGill, les années 20, c'est le commencement de la fin pour les maritimes. Cette section du pays expérience les mêmes problèmes que Québec entre les années 1870 jusqu'à 1920, un demi-million d'habitants des maritimes part pour les États-Unis. Ou l'ouest du pays. La cause de cette émigration est bien sûr, l'état de l'économie, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans certaines sections des Maritimes, la population émigré vers les États-Unis, dans d'autres sections, dans le secteur industriel, la population augmente rapidement parce que la région n'est pas unie et la politique nationale, par exemple, qui profite d'une section du Nord-Est, Nouvelle-Écosse, et autre résultat dans les régions vraiment maritimes axées sur la mer, les forêts. Mais, M. Miller, même si certaines régions ou sous-régions des maritimes ont des difficultés, même si des morceaux d'économie séparés voient leur population partir, il reste que le secteur industrialisé, celui du nord-est des maritimes, celui qui avait établi des liens solides avec le Canada central avant la guerre, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas se demander pourquoi ce secteur ne va pas prospérer dans l'après-guerre? Le secteur industriel basé aux Quatre-Bretons, au nord-est de la province de Nouvelle-Écosse, cet secteur très industrialisé, dirige leur production pendant les années de la guerre mondiale aux productions pour la guerre et négligé le marché au centre du Canada. Et après la guerre, c'était très difficile pour réclamer ce marché pour plusieurs raisons. Première, c'est le tarif est changé pour encourager l'importation des charbons des États-Unis pour les productions industrielles au centre du Canada. Et il y a été un changement où tarifs au chemin de fer causé peut-être par la rationalisation des chemins de fer après la nationalisation des chemins de fer pendant la guerre. Et le tarif favorable au commerce maritime dirigé vers le Montréal et affecté par cet changement, mais les difficultés économiques que le secteur industriel aux provinces maritimes faire face après la guerre, c'était peut-être causé par des forces plus internationales, le changement des sources d'énergie et le surplus des charbons et des choses comme ça et les maladministrations des entreprises affectuées, je crois, l'état économique dans le Maritime. Les Maritimes, donc, vont être en difficulté après la Première Guerre mondiale. Dans le centre du pays et dans l'ouest, ces difficultés économiques vont être vécues de façon un peu dramatique par une bouffée de grève, par des mouvements ouvriers revendicateurs. Est-ce qu'on va avoir la même expérience dans les maritimes, M. Miller? Ah oui, exactement. Dans le secteur industrialisé du Cap-Breton, il y a des grandes grèves pendant les premières 5 années de les années 20. Causé par la situation économique très restreinte, mais les mineurs faire une bataille perdante, je ne sais pas quoi, à cause de la force des marchés, mais les syndicats étaient très radicaux, dirigés par des chefs communistes, comme J.B. McLaughlin, mais c'est une sorte de bataille, pardon, enfin. Est-ce que l'économie des maritimes va être capable de se restructurer pour faire face à ces défis nouveaux de la révolution industrielle des années 1920? Ah, ça c'est une question difficile. Le fait que la grande crise économique pour les maritimes commence pendant les années 20 et continue jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une sorte de preuve que c'est impossible. Donc, preuve que le déclin économique est continu dans les années 20 et 30, c'est contraire à l'image traditionnelle des années 20 qu'on nous présente comme des années heureuses, des années glorieuses, des années pleines de prospérité. Dans les maritimes, on ne va pas vivre les années 1920 comme des années de prospérité. Non, pendant les années 20, les gens de maritimes partent pour des autres sections du pays, vers le centre du Canada et vers les États-Unis, en Nouvelle-Écosse, par exemple, pendant la décennie 21-31, il y a un déclin net aux populations pour la première fois depuis la Confédération. L'immigration vers les États-Unis dans les années 1920, comme à la fin du 19e siècle, c'est un indicateur du degré de difficulté économique qu'on vit dans les maritimes. Mais ce n'est pas un phénomène local seulement. Au Québec, dans toute la décennie des 1920, le spectre de l'immigration vers les États-Unis qui avait hanté les gouvernements au 19e siècle reparaît. Dans les années 20, 450 000 Canadiens auraient immigré vers les États-Unis. 130 000 Québécois, peut-être. Le phénomène inquiète tellement les autorités que la lutte contre l'immigration prend des allures de croisade. Il s'agit évidemment d'un signe de climat économique difficile, mais il existe bien d'autres indices. Il y a une crise du logement, donc vous allez avoir une, deux familles et plus demeurant ensemble. On va demeurer dans des taudis, on va s'entasser, donc. Il y a évidemment beaucoup de gens qui vont partir pour les États-Unis. C'est toujours notre soupape. Hein? C'est un réflexe. Dès que ça va mal, on traverse la frontière. Ça, évidemment, ça va aider les statistiques de chômage, mais il reste que il va toujours rester un nombre important de gens en chômage. Mais il y a aussi des indicateurs comme ce que les gens mangent. En 1929, donc pendant des années prospères, mais avant le crash de Wall Street et de la rue Saint-Jacques, On a calculé qu'il faudrait 2000 à 1500 dollars pour vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, pour avoir un niveau de vie raisonnable. Or, 60% des hommes et 82% des femmes gagnent moins que 1000 dollars par année. Alors, c'est évident qu'on ne pourra pas se payer une foule de choses. Mais il y a des indices aussi qu'on retrouve, puis c'est difficile de généraliser, mais enfin, en lisant les journaux montréalais, la grosse presse, si on regarde les annonces, il y a toujours une annonce sous le titre « Enfant », on annonce des garderies. Et on s'aperçoit assez régulièrement qu'on annonce des enfants à adopter, qui ne sont pas des orphelins, qui ne sont pas des enfants soi-disant illégitimes, mais des enfants qui ont deux parents, mais les parents ne les réclament pas à la garderie. On sait qu'on a des orphelinats au Québec qui regorgent d'enfants, et donc plusieurs de ces enfants ont deux parents. Donc, quand les parents commencent à éliminer leurs enfants à l'orphelinat ou à ne pas les réclamer dans les garderies, ben, on peut se poser des questions. Ce n'est pas la diminution du sentiment maternel et paternel du tout. Ce sont des raisons économiques. Le travail des enfants continue, même s'il y a des lois. On sait qu'il y a des lois qui ne sont pas très bien appliquées d'ailleurs. Il faut savoir lire et écrire. Bon, il faut avoir 12 ans ou 14 ans. Mais il y a des infractions à la loi. Il y a énormément d'enfants qui travaillent. Un seul salaire ne suffit pas à faire vivre une famille. Donc, c'est soit la mère qui travaille, soit les enfants. Dans quel genre d'activité est-ce que les femmes vont travailler dans les années 20, André Lévesque? Il ne faut pas oublier que le premier emploi rémunéré des femmes, c'est le travail domestique, comme bonne, un service personnel, travail domestique personnel, et aussi fille de chambre, enfin, tout ça. On connaît les conditions dans le travail de domestique. C'est pas très bien payé, mais il n'y a pas tellement de journées de congé, les heures de travail sont très longues. Il n'y a aucune organisation, point de vue syndical, parce que, bon, les travailleurs sont éparpillés, tout ça, toutes sortes de conditions. Ça, c'est le premier secteur. Ensuite de ça, le secteur manufacturier, de plus en plus, c'est le tertiaire, c'est le secteur des services qui est en croissance pendant toute cette période-là, ce qui veut dire commis de magasin. Il y a des professions qui se féminisent. Il y a eu un temps où les commis de magasin étaient surtout des hommes à la fin du 19e siècle. C'est de plus en plus des femmes. Pensez aux téléphonistes aussi. Je comprends, au point de vue numérique, c'est pas énorme, mais quand même, c'est très féminisé. Sans parler des enseignantes, qui est une profession qui est féminisée aussi, grande majorité. Mais toutes les sténodactylos, travailleuses de bureau, enfin, tout ce secteur-là est en expansion pendant cette période-là. On peut penser que les conditions sont bien meilleures que des conditions dans des usines. Peut-être, mais c'est douteux. Les travailleuses de la compagnie Bell, par exemple, ne sont pas très bien payées du tout, mais c'est une occupation pour jeunes filles avec un peu plus d'éducation peut-être que celles qui travaillent dans les usines. Donc, on préfère faire ce travail-là que du travail à la chaîne. On a donc beaucoup utilisé les femmes dans le secteur manufacturier au 19e siècle et au début du 20e siècle, on les a aussi mobilisées au cours de la Première Guerre. Mais quand la situation de l'emploi se corse dans l'après-guerre et dans les années 20, on va les inciter à retourner au foyer. On va donc voir les femmes moins nombreuses dans le secteur manufacturier. Mais comme nous l'explique Gilles Piedalu, il y a eu forte immigration au début du siècle et dans les années 20, les femmes vont trouver à s'insérer différemment dans la division du travail. De 1900 à 1920, à peu près, 40% de la croissance de la population canadienne est due à l'arrivée d'immigrants. On compte, dans la période de 1900 à 1930, une arrivée de près d'1 100 000 personnes, 100 000 immigrants. Donc, nécessairement, cette arrivée massive d'immigrants a un effet sur les salaires. Les salaires vont avoir tendance à diminuer. Comme, en plus, dans cette période-là, on connaît une inflation très forte, l'inflation des prix de détail et des prix de gros est très, très forte, comparativement à la période qu'on a connue au 19e siècle. Donc, on peut présumer de façon assez certaine que les conditions de vie vont avoir tendance à se détériorer. Dans cette main-d'œuvre du premier quart du 20e siècle, on a l'impression que les femmes deviennent plus importantes et pourtant elles deviennent moins importantes relativement dans la main-d'œuvre canadienne. C'est assez intéressant de remarquer que dans le secteur industriel, à partir de 1891, il y avait déjà une femme sur quatre employés, donc 25% de la main-d'œuvre manufacturière qui était féminine. Et ce pourcentage-là a tendance à se réduire à 20% jusqu'en 1931 et à se stabiliser depuis. Donc, il y aurait eu, à la fin du 19e siècle, beaucoup plus de femmes dans le secteur industriel. On connaît dans cette période-là la constitution, le développement de nouveaux types d'emplois où les femmes vont s'investir. Par exemple, les emplois de secrétariat, toute la fonction publique, si on peut dire, des entreprises et la fonction publique des gouvernements. Il y a une tertiarisation de l'économie qui est un phénomène mondial à cette époque-là. Les années 20 ont donc été une décennie de difficultés économiques. Si nous faisons le tour des thèmes qu'on peut extraire de l'expérience de la socio-économie canadienne, on trouve optimisme excessif, illusion de prospérité, balkanisation du pays, sous-développement des maritimes, début de tertiarisation de l'économie. Mais les années 20, ce n'est qu'un commencement de cette longue glissade de l'économie canadienne. Avec 1929, la crise s'approfondit. La prochaine fois, nous jetterons un premier coup d'œil sur la socio-économie canadienne dans les années 1930. Les personnes qui désirent se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. À la technique, Charles Gervais. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque. Thank you.